franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima Sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. On nous appelle de Ruelle Malmaison, Philippe. Alors nous, quand on nous appelle, on répond. Et qu'est-ce qu'on répond, Philippe ? Eh bien, on répond que allô et bonjour. Et aussi, on répond qu'à Ruelle, les habitants sont nommés les Ruellois et les Ruelloises. Et on répond aussi que Ruelle se situe dans les Hauts-de-Seine, un endroit tout à fait propre et très vert, puisque les espaces verts représentent plus d'un tiers de sa superficie totale. Là, ça fait beaucoup de verdure tout ça, dis-moi. Et Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour. Bonjour Margaret. Bonjour docteur. Philippe. Ah oui. Ben, je suis très contente de passer à l'antenne parce que ben, ça fait des semaines que j'essaie de passer à l'antenne. Eh oui, car comme tous nos auditeurs, vous êtes victime de notre succès, Gilles. C'est Gilles, n'est-ce pas ? Oui, oui. Bon, alors, Gilles, quel est le problème qui vous taraude depuis des semaines ? Hein ? Anima Sana ou Corpore Sano ? Bon, ah, ça me fait tout drôle de vous parler. Ouais, alors mon vieux, on vous écoute maintenant. Bah, c'est plutôt animal machin, enfin, l'abscisse. Ça fait bizarre, hein ? Ouais. Bon, alors, Gilles, allez. Oui, alors, ma femme, Florence, est très pour l'égalité totale homme-femme. À quel niveau ? Bah, surtout. Oui, surtout sur quoi ? Surtout. Oui, surtout sur quoi, principalement ? Tout. D'accord, surtout en fait, ouais. Alors, eh bien, il faut qu'elle nous appelle très vite, elle-même, hein, car d'expérience, les pathologies transgenres se développent à une vitesse dramatique, voire catastrophique. Mmh. Ah non, c'est vraiment la parité, elle est très fière d'être une femme et justement, elle veut une égalité totale entre les deux sexes. Les deux sexes, ouais. Donc, on est bien d'accord, vous n'avez constaté aucune modification au niveau de sa voix, par exemple, ou de sa pilosité entre ses deux seins pourtant volumineux. Hein, elle ne se rase pas, ni ne met une chaussette roulée en boule dans sa petite culotte en coton. Ou dans l'un de vos slips kangourous qu'elle porterait d'une manière obscène. Dans un bleu de travail maculé, entre autres, de cambouis, de lubrifiants et autres sécrétions. Pardon. Mais elle ne s'habille pas du tout en homme. Non, je vous dis, elle est très féminine. C'est bien ça. D'accord. Alors, c'est vraiment idéologique, hein. Alors, elle peut vous dire, par exemple, « Écoute, Gilles, je suis crevée ce soir, sois sympa, est-ce que, exceptionnellement, tu pourrais faire à manger aux enfants ?» C'est un exemple extrême, hein, c'est exprès. En fait, c'est moi qui fais à manger, alors... Pourquoi ? Eh ben, j'aime bien. J'ai toujours fait à manger, et je cuisine plutôt bien, alors que elle... Bah, c'est à peine si elle s'est fait cuire un œuf au plat. Mais vous le saviez, ça, Gilles, avant de l'épouser ? Ah, mais on n'est pas mariés. Ah, mais vous avez dit ma femme ? Oui, enfin, ma chérie. Oui, bah, c'est pas pareil. Alors, si ça ne vous pose pas de problème, Gilles, que votre chérie porte la culotte, comme on dit, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, en coton ou en synthétique, culottes qui viennent dans des imprimés divers et variés, parfois même enfantins. Mais toujours étudier pour coûte provoquer. Que coûte. Alors, en gros, quel est votre problème, hein, puisque la situation, visiblement, ne vous pose pas de problème. Alors, le problème, c'est que ma mère a une vision très vieillotte et traditionnaliste du couple et qu'elle ne comprend pas qu'on se partage les tâches à la maison. Et les relations, elles sont de plus en plus tendues. Hein. Alors quand elle vient à la maison, il n'y a plus de discussion possible. Bah oui, mais Gilles, mais votre maman, elle a élevé un petit garçon, puis tout à coup, elle se retrouve avec un petit toutou. Ça doit lui faire tout drôle, vous comprenez? Et quant à la vision vieillotte, merci bien, mais c'est la nôtre, et je vous trouve un brin insultant, Gilles. Ah non, non, oui, non, mais je suis désolée, non, c'était pas mon intention. Donc voilà, en fait, ma mère et moi, on ne communique quasiment plus, et du coup, ça la rend agressive avec ma femme. Avec votre concubine. Oui, parce qu'elle a l'impression qu'elle me mène à la baguette. Oui, mais est-ce qu'on peut vraiment vouloir à cette vieille femme? Ah, mais ma mère a 63 ans, elle n'est pas si vieille. Est-ce que vous pourriez pas au moins sauver les apparences quand elle vient chez vous? Ah, mais tout va bien dans mon couple. Non, non, mais je ne vais pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Oui, mais vous savez, les personnes âgées s'adaptent mal à la nouveauté. D'autant plus à votre vision amorale, hein, sans vouloir juger, de votre couple. Vous n'êtes pas mariée, vous obéissez à l'œil et au doigt, hein, probablement, de votre femme. C'est effrayant, hein, pour une vieillarde. Mais je vous ai dit, elle a 63 ans. Eh oui, mais raison de plus pour faire attention à elle. Ah, franchement, qu'est-ce que ça vous coûte de jouer des scénettes qui la rassurent? Qui, votre concubine, qui vous demanderait un billet de 50 francs pour aller acheter un tube de cirage et de l'eau déminéralisée pour le central vapeur? Qui, votre concubine, qui lit une histoire aux enfants tandis que vous buvez un digestif dans le petit salon avec madame votre mère? Oui, ou même vous qui rouspétez après votre concubine parce qu'elle lambine et rechigne à la tâche, par exemple. Enfin bon, après ça, vous choisissez ce qui vous convient, hein, libre à vous de décider ce qui pourrait réconforter bonne maman avant qu'elle parte pour son dernier voyage. Quel dernier voyage? Avant le grand départ, quoi. Comment ça? Avant de s'endormir dans la paix du Seigneur. De passer l'arme à gauche, de lâcher la rampe, de casser sa pipe, de sortir les pieds devant, de se faire tailler un costume en sapin, de dévisser son billard, d'avaler son bulletin de naissance. En un mot, de caner. De caner, mais pourquoi est-ce que vous voulez à tout prix que ma mère meure? Elle a 63 ans. Mais oui, Gilles, c'est terriblement jeune, c'est vrai, mais déjà tellement vieux. Lorsqu'on a passé sa vie à nettoyer la crasse des autres, accroupite, à lustrer des centaines de mètres carrés de parquet, se remémorant avec amertume ce jour maudit où elle venda ses cheveux et ses dents de devant au plus offrant pour nourrir ce fils qui peine aujourd'hui à se comporter en homme. Alors, on reprend son slip kangourou à madame et on lui rend son petit string de dentelle rouge qui, de toute façon, vous cisaillez le scrotum. Et c'est le médecin qui parle. Une citation? Oui, une citation. Les féministes peuvent se disputer. Ce sont des hommes comme les autres. Merci Yann Chouquet pour cette mise en onde virile. Oula. Au revoir Philippe. Au revoir Margaret. À votre écoute, coûte que coûte. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr. Dans un instant, Philippe Bertrand, carnet de campagne.